Vous écoutez un DJ set de Daria pour le Fuse et les Fuse Files dans Pure Trax. You're so sexy. Cherries on your nipples. And when I kiss So many tears, kids carrying guns and wielding heavy spears. To all of you, my peers, and those who have ears, please not come and vote. Don't let your vote be bought. Max pour les Fuse Files. Vous écoutez un DJ set de Daria. Daria. I'm gonna go. tous les vendredis et samedis soirs sur Pure FM. Pure Trax. Tous les vendredis et samedis soirs sur Pure FM. Pure Trax.